de Silo Hind à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezhoneg. Enter Brezhoneg, Kentel Pemkan Dow à Dowugen, n'est-ce pas? Pemkan Dow à Dowugen, oui. C'est ça, 542. Je commence à savoir compter en breton. Matri. Henri, on commence par Gerriou Arvué. Il y a des gens qui m'ont demandé qu'est-ce que ça voulait dire Gerriou Arvué sur les Internet. Les mots de la vie. C'est tout simple. Bon, et là, c'est vraiment un mot de la vie. Oui, c'est skiant. S-K-I-A-N-T, donc, qui veut dire la science, le savoir. Et c'est un mot féminin qui a un pluriel régulier, skiantou. Et ici, on dit skianchou. Oui, on n'entend pas skiantou. On n'entend pas skiantou, non. Comme hintou, on dit hinchou aussi. Hein. On dit pas bien, quoi. Si, on dit bien, mais on commence à chointer un petit peu, quoi. Voilà. Alors, donc c'est un mot féminin, donc qu'on trouve également en cornique, hein, exactement le même, et qui est d'origine latine, comme le français science, hein, qui a la même origine. Hein. Voilà. Alors les sciences sont de plus en plus nombreuses, hein, puisque chaque science a tendance à se en donner plusieurs, finalement, plus ça se perfectionne, plus on va vers des sciences de plus en plus fines, si on veut. Donc, il y a traditionnellement, bon, dans la philosophie des sciences, il y a les sciences dites exactes, les sciences humaines, voilà des catégories de sciences. Alors, en français, donc, en général, les sciences sont désignées par le suffixe logis, qui vient du grec logos, qui veut dire la parole, le discours. Hein, donc, par exemple, l'écologie, la géologie, l'hydrologie, l'anthropologie, la science de l'homme. Et en breton, ça a donné le suffixe logieuse. Hein. Par exemple, biologieuse. La biologie. Hein. Alors moi j'aime bien, quand on peut le faire, j'aime bien commencer par le mot skiant. Par exemple, pour la biologie, je préfère qu'on dise skiant d'orvue plutôt que biologie. Hein, c'est plus clair. Hein. Skiant d'endour, par exemple, hein, pour la science de l'eau, hein, toutes les sciences de l'eau, l'hydrologie, hein, bon, skiant d'ormour, l'océanographie, skiant d'endouar pour la géologie, j'aime bien comme ça. Voilà. Alors, quand on parle de quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, hein, un savant, hein, on dit un dene skiant. Alors, ça peut être un savant ou quelqu'un qui a beaucoup de savoir. Hein. C'est soit scientifique, soit autre. Alors, il y a le mot savant a été adapté en breton, mais il a plutôt un sens péjoratif. Quand on dit quelqu'un en savant, c'est pour se foutre de lui, quoi. Ouais. Ah, c'est un pédant, un cuistre, quoi. Un cuistre, j'aime bien ce mot-là. C'était Molière aimait bien décrire ce genre de personnage dans ses pièces. Le cuistre, celui qui sait pas grand-chose, mais qui le fait mousser au maximum, quoi. Voilà, donc des mots dérivés comme skiantel, par exemple, hein, scientifique. Il y a skiantour aussi pour une personne, un scientifique. Alors j'ai vu dernièrement que c'était un néologisme. Mais en fait, c'était un nom qui était déjà connu, puisque dans les années 1930, c'était le nom du chien de Pierre de Bulat, le conteur, là, qui passait dans les maisons pour organiser des soirées contes. Et son chien, c'était un chien noir qui s'appelait Skiantour, qui était un chien savant qui faisait beaucoup de choses comme ça. Alors, Diskiant aussi. Diskiant, c'est l'ignorant, hein. Voilà. Diskiant, préfixe privatif, hein. Voilà. Alors, une expression qui est très utilisée aussi, c'est skiant prenet. Skiant prenet, de la science achetée, on peut dire, c'est de l'expérience. Oui. Skiant prenet, hein. Et on dit skiant disque aussi, hein. Skiant vad, le bon sens, hein. Voilà, j'ai lu il n'y a pas très longtemps Skiant Fantasy, la science-fiction, c'est assez amusant. ce qui en fait l'Asie. Alors il y a pas mal de proverbes hein, où on a le mot skion, hein, gueller et skion évidère, hein, skion prenne d'ailleurs gueller, des choses comme ça. Hein, donc il vaut mieux de l'argent que il vaut mieux de la science que de l'argent. Voilà. Et ben on a fait un petit peu le tour sur le mot skion, pluriel skion chou. On passe à la seconde partie, Brezhoneg Tamm, à Tamm. Brezhoneg Tamm à Tamm se passe aujourd'hui à Kerzolek. Ah, Kerzolek, qu'est-ce que je raconte? À Zantolek. Henri, c'est Zantolek? C'est Zantolek, oui. Bon, voilà, on va pas un peu de géographie quand même. Donc oui, Zantolek, hein, on le rappelle, qui est une petite commune entre Trémargat, Pemrit et Lanrivain. Ouais. Voilà, il n'y a qu'à chercher ça sur la carte. Il y a aussi Poulderien à côté. Ah ouais, Poulderien à côté, oui. Qui est à peu près au même endroit. Oui, mais un peu décalé. L'autre côté du Blavet. C'est ça. C'est Chanik qui part voir le président des boulistes. Des boulistes, oui. Qui s'appelle ? Qui s'appelle André Ergac, qui habite Kervern. Mmh. Voilà, alors on les écoute. Salut André. Mad je gandor ? Ja, ne ce que te glem, Chanik. L'arrêt d'Inta, André. Oui, et président d'un bouliste? Ja, Chanik, président d'un stroll à Berter Boulo, so bézav et triver lasso, gantut de Zantolek, à de spouderien. Ag, en mon ba boulodrome Zantolek? Ja, Chanik, on est glasso et bézav et, or boulodrome ker et, tutso et lavar, mameus et ilis or boulo. Ag, alias et verroiriet boulo, vraiment? Oh, ja, bem di peveklou à roi, un amzer. Puis je radore gauze au beurre parti, à gevejo ou vêtu di yawang, divejeur mis vegret en man scolor boulot évité, à bascol, évite un tapou, avec disque de revugales, roi boule yvé, à zé oblige casse de revugales, à gevugales, gomes brezonek, zis brezonek bascol, avec red pétra et brezonek. Donnerine, Hervé Jbena, qu'est-ce que vous avez laissé? Ya ya ma peu soin, Chanik. Allez, on reprend. Le dialogue, le petit dialogue entre Chanik et André. Salut André, madame Jugandor. Oui, ça va. Il y a Chanik, ne ce que d'aglem. Il n'y a pas à se plaindre. L'arrêt d'Inta, André. Oui, et président d'un bouliste. Oui, dites-moi André, vous êtes le président des boulistes. Alors, bouliste, hein, c'est un pluriel de nom de personne qui ne se termine pas en ou. Donc, il y a une mutation. Hein. Bouliste donne bouliste. Voilà, mutation adoucissante. Ja, Chanik, présidente Herstrolat Berdarboulo. Oui, je suis le président de l'association Berdarboulo. Alors là, c'est difficile à traduire, c'est suce aux boules, allons aux boules. Hein. C'est presque intraduisible, ça. C'est un cri du cœur. Voilà, Berdarboulo, ouais. Ouais. Mais vous avez Trivervasso, Gantude de Saint-Olec à Despouderien. Oui, qui a été créé il y a 18 ans par des gens de Saint-Olec, Saint-Olec et de Plouderien. Donc c'est intercommunal. À Gamant, on bat à Boulodrome Zantolek. Et ici, on est dans le Boulodrome de Zantolek. Ah, il y a Chanik. Un Vlasso et Betzavet. Oui, il a été construit il y a 11 ans. Alors, Boulodrome Kerr. C'est un beau Boulodrome. J'arrive pas à te lire. Tude Lavard et Iliseur Boulo. Tudzo et Lavard et Iliseur Boulo. Certains disent même que c'est le temple des boules. Voilà. À Galiès, c'est Verroirier de Boulot en main. Et on joue souvent aux boules ici. Ah, ya. Même des avec clou à avoir en Amza. Oui, quand le temps est assez doux, assez tiède, hein, si, littéralement, on peut jouer tous les jours. Pligera d'Arego, Zoberer Barti. Oui, alors, si on traduisait littéralement, c'est « il plaît aux anciens, régose, hein, aux vieux, de faire une partie ». Alors, on dit « parti », hein, tout simplement. Hein. À Gavéchou et Veillé, tu dieu, hein. Et de temps en temps, il y a aussi des jeunes. Dieu véchezune. Mise. Ah, Dieu véchermise et Végret en Mans, scolar boulaou, évité. Oui, deux fois par mois, on fait ici l'école des boules pour eux. Alors, il y a déjà eu des émissions qui parlaient de ça. Ah bah, school, évite en tapou, et desquets, roire et boulot d'Arvugale. En oui. Tapou. Ah oui, alors à l'école, pour les tapes, hein, les temps d'activité périscolaire, là, hein, dans la nouvelle réforme, là, pour les tapes, donc on apprend aux enfants à jouer aux boules aussi. Azé à Blige d'Arvugale. Et ça plaît beaucoup aux enfants. À Arvugale. Et les enfants, ces enfants-là apprennent le breton à l'école. C'est tu Végret Peptra et Brezonec. Si bien que tout est fait en breton. Donarine. Ah, je viendrai. Norvège Béninquette de Vélézé. Une fois pour voir ça. Répond Chanik. Et on termine. On passe à Petra, zone Vervo, Eri. Voilà. Zone Vervo. Ben calzedro et velchus boervej diuzan. Krogum et velkis acustum gandela bourdouar agelab alge vue war armes. Erium bremen bamisme, ba kreise misme pelarin mod. Eurigos lare bamisme globem desore globebeide de ketrawa. Ag guirese, hein, alisme sclé de mambos la rase, hein. hag trowel vigelar et vel bamizme kan ap ge pu dire regresse que vous niseur han ap kalz draou gis zo war mizme hag gweloran zo behad et kalz vaiz tro adro hag mave amzor vad dalarade mave dour a tomder e gresk o vounis hag aie ar goukouk bavro Klev peus ne? Geo. Ja, mi meus klev ne dier te beure. Ja, on n'est que de quoi l'abrit, blanc me, mais bon, peut. Même Clev, quand Hendel va tirer mon ouvert abrit, der mode. Mais blanc me, ouak, et tien abrit. Bon, et vel juste au red l'ardon dans nec des heures votades, qu'elles obitent, so tramened, hein, tramened et neidro des heures votades, vide l'aca de ondine ou artrone d'agobert, vel la revanche contre le gouchet. Ag, vejement, zoed or poyong, biscois tiemedel, ou que bédonant tienio ang se roisse, ag, un trihard de zendune de zvote de 8 ans. Puis quoi que Bigwell de IV hein. Ag homme Braisam zo bet calz moi je évite leur podio Emmanuel Macron a même se battre mal de kai tout de rien de vote 8 ans. Bon Gwell de vous peut puis ça mon vos comptes vraiment plus dur presque vos votes à dégoût hein, Roas vite quand même député aide. Bon, Wardash en économie, Zag, vu et Bavro, Hadigor debé de Neveso, Linen Hentouarn, Zotre Gwengan, à Pempoul. Aga Linen, Ronso Linen, Awebe Crou de Werugen Lasso, Spen Werugen Lasso, Mames. Aga Linen, à Wer Kilomètre à Tregon. Alors c'est n'est que quoi le hier mais même stras au dick tigar het a het dans le linen a tri harder lac un train vraiment donc de quoi une grande pète à pempoul a bon c'est au mode car de linen ça est vel juste hein, c'est au on tombe de ce glade en vro a de ces économies et ce vro a calze du de d'ap à un train voir à linen ça bon dans mon temps, Wardash ne représente vraiment un DL Moilard de Pessamod ou Abégoul quand Réwawa Rank vit de monde de président. Pète Jonge en y voir ben Yézou Gwasket. Ag Jusmad, Manuel Macron et Wallard ou Aedu vit de Fébit, Zinet Carta, Yézou Gwasket de Bro Europa. Gwelet vous, Richard Ferrand, au tos de Manuel Macron, ne se larde, au gré de, au strive, vide en raison, avec de Jésus Gwasket. Bon, Gwelet vous. Hendel, en avement des Bavro, Francis Favreau, vide de l'arbre de ce gré, de l'arbre divin, de ce gré, vide en raison, hein, gant d'or guerrière, d'or glace, hein, de ce bé de, une bande de, de Diane Tantou, doit be de, il m'en a his, or guerrier d'or glace. Hag, et au là pour mon arnes gred, hein. Au travail de Bénédictin, avec l'ardine galag, hein. Warzé. A vraiment, nez, nez vaisseaux, nez radine bandit, or guerrier d'urel, or guerrier d'ur godel, hein. Azo, haunted, dictionnaire de poche, du breton contemporain. Hag, zézo, on dra précis, hein, vide, vi dis qui brezon ga vi de réseau tis qui brezon a même as vite réel peut dire bonne cas de guerre aux bars ma treizaine peut clève de Francis Favreau display ganzi ba Wagen ou RKB banaba de Nürnberg ya d'art tu des œuvres a gagne display que peut ça pas loi guerrier d'urze agentuel de zé on drava des peut dire de gousque que de mes 12 euros. Bon, bichon moi, war dash en zevenadur, ba fine miseve, ne vaut ba millionnek, vi le nom nek vet quish, em gav you ar film ou an ur strolat, ti film, a blanc moroas, vo gred, pevar portrait, filmet gant pevar den de ze vicher, a vo gred portrait jou de ze daubo da di oublar. hag film aux œufs, ils ont film au bord au hard orpédis, vos disques bas millions de no warnugen et miséven, et vite digor y en em gavio. Wardash en ar glad oas, c'hwer tourtan de skucho, le zo bet laket war listen, ur zavadur yo istorel. Vel re kereon, ur gazeg, ur vorn, ur meñ du, hag en tour yo tanz e vo mir ed, hag dis, pur man war listen e zavadur yo istorel, halo ur stad, zikour evit mir oud en tour yo tanz, hag ezon dravat. Neus ket gwall belzo, enfin, ugen lasso a bet de imban deja, bande istor breiz, bande nou treset. Ka vreton de blichte gout an dra benek deus istor obro, me benefin war an ket kal ze dra, putur vek diskeze baskol. Hag vech jant an oa bet gred bande nou treset ze gant René Lehonsec a Reynald Secher. A bremañ zo c'hat krog d'or an istor vro pandan treset gant Thierry Gigourel hag un treser e Daniel Brecht hag im bande d'ebet de Lever Tientan zo haunet breiz histoire de la Bretagne Thomas le peuple indomptable a ze zo im bande gant soleil d'abord un bonadur you soleil bon c'est usé bon on drava donc rayon d'asquer bichte tro gan bon bandene ou tres de 10 mur on dra elle vraiment mur bour mur on magno sevel au hu mot cause veloa avec quand vel on tombe pebler quoi gel crise bourg au vigé au ho vidor marat a gazé mon ro on en hervé réolé nous en ars a bon from zo gret from quat a vraiment tayen tour de rilo bon a gazé vos bras de fel ba mur Peont komz deus levriou, o leverel zo bet gret gant Pierre-Henri Alain hag zo hanj un lebreton. Un denzen eus gret o sort tro breiz, evit klas kompren petar e speret breiz a speret de bretonet. Hag vezen amzor ve gret leverioù dis war speret breiz, pudur un dud ba brohal zo zouet de vel chombe se venadur breiz. Bon, vez en amzom eus bet komz eus dame de Jean Guillaume de Stierien. Jean Guillaume de Stierien zo un den hag oa began ba Jean-Jli Plijo, c'hwer la perrugen zo, hag deus i vichur oa matlasa, zo war zo kal zo dud a zo a gouz karoaz oa matlasa ou begret gant Jean Guillaume. Hag on ovez oa echu gant i vichur neus non laket de zikour an dud an pechet, a de gret ni oa o greizen ba tierien, a oa hanvet ur barados, o sort barados war ur bet, vid digemer tud an pechet, bugale, tud koz, tud ur oang bop sortut, hag zikour raive ar e oa target gant e boesson, hag on den an eus begret kalz draou vid zikour ur reel. Hag ostrolat oa bekrou et vid zikour nan, mignon eus Jean Guillaume, hag ba bladau milno, ba miseven oa begret or, ur gwell vitan, evit reidan urz ur merit. Hag Jean Guillaume, un deel zo et nan an, hag bon kalz dud ni derojonj deus un denz. Puis on compte de studer de l'Annaud, Corinne Herrel, députée de la Nuit, en Zomar, en DL, ou à l'air au même vote ou à Baplou ici, avec bonne tout un duzo pesco et grandé, puis on leur plat ne voit comme un rentre quand là, ou ici me grand tout un dut. Bon, évidé, je suis, Bamis Meurs, ou à une ouvrière, il y a un labourat, ou à un nez autre, zan igounen a kiangriz moelou, a c'hat kavet neun ur min skizelet, Agus oa sichen or groz, o halver ma peswan, a oa oa hars parous, hars tre parous ki an grist, a parous an egouden. Enfin, parous diod gwegel. A oa remins zo skrive de ur bla, mil oer kan, seiz a hantor kan. Hag zezo fentus war gwelze, ur egoz ne jonj de ze gros, hag zezo frommus gwelze, zezo a banamzer un tad manor, gwel o peus neu war. Ge, ge, ge. Ha, ya, ya. Par vord an ent? Par vord an ent, ya, ya, ya. Bon, setu un tamp de spesso neve bavro, a ben vegel o kontoras. Keno eri.